Le Lift, une vision du temps selon Chanel, vous présente le questionnaire de Chanel. Aujourd'hui, nous recevons Jeanne Balibar, comédienne. Jeanne Balibar, bonjour. Quel âge voudriez-vous avoir ? Je voudrais avoir à nouveau 29 ans et à nouveau 31 ans et à nouveau donner naissance à mes deux enfants. Êtes-vous anti-âge ? Je ne sais pas ce que ça veut dire être anti-âge. Quelle est la meilleure façon de vous dérider ? C'est de me montrer un arbre qui se balance dans le soleil du matin. Rides, tout doit disparaître ? Oh là, surtout pas, parce que le résultat après disparition est encore plus moche qu'avant. Merci Jeanne. Le Lift, une vision du temps selon Chanel, vous a présenté le questionnaire de Chanel. La Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Hello, goodbye, chantaient les Beatles en 1967. Hello, goodbye, a finalement dit la Grande-Bretagne à l'Union Européenne, pas plus tard que vendredi dernier, l'occasion pour nous de revenir sur le plus célèbre groupe anglais de musique de tous les temps. Alors les Britanniques espèrent être entrés dans une nouvelle ère d'influence globale, en tous les cas. En musique, ils en ont déjà connu plusieurs. La dernière, c'était le moment dit de la Cool Britannia, à la fin des années 90, avec notamment les Spice Girls. Avant, il y avait eu les années Britpop de Blur et Oasis. Encore avant, les années Police et Eurythmics. Mais le grand moment de la culture pop anglaise, c'était bien sûr le Swinging London dans ces années 60, qui furent aussi celles des Beatles. Jeudi, nous serons avec Olivier Julien pour évoquer les Beatles Studies en nous demandant comment la culture universitaire a fini par prendre au sérieux ces quatre scarabées de Liverpool. Alors que demain, nous ferons le parcours de la discographie des Beatles, ce sera avec Jacques Volcouve. Et aujourd'hui ? I'm Ringo and I play the drums. I'm Paul and I play the... bass. I'm George and I play a guitar. I'm John and I too play a guitar. Sometimes I play the fool. Aujourd'hui, pour retracer le parcours de ce groupe mythique et de ses membres, nous sommes avec vous, Frédéric Granier. Bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir. Vous êtes spécialiste de la culture pop. Vous venez de publier une monumentale biographie consacrée aux Beatles, sous-titrée « Quatre garçons dans le siècle ». Elle paraît aux éditions Perrin. Ça n'a pas dû être facile de faire une biographie de quatre personnes en même temps. Alors effectivement, il faut comprendre quand on réalise une biographie d'un groupe ce que constitue l'alchimie de ce groupe. Et c'est d'autant plus vrai avec les Beatles puisque c'est une sorte de carré magique. Et puis on se rend compte que quand on enlève une face d'un côté, eh bien tout s'écroule. Au risque de heurter les puristes, moi je serais tenté de dire que ça s'est un peu traduit dans les années solo où on s'est rendu compte que malgré les splendeurs qu'ont pu signer John, Paul, George et Ringo en solitaire, c'était pas tout à fait du même niveau de ce qu'ils ont réalisé dans les années 60. Alors dans les années 60, mais aussi peut-être à l'échelle de tout le siècle, parce que votre sous-titre le dit bien, quatre garçons dans le siècle, c'est le siècle tout entier que les Beatles sont plus ou moins modifiés. On peut dire ça, effectivement. Alors effectivement, on dit souvent les Beatles, c'est l'incarnation des 60s. C'est d'autant plus marqué qu'en 1960, c'est la constitution du groupe avec Pete Best comme batteur. 1970, c'est la séparation, ou en tout cas le dernier album avec le dernier album posthume avec Let It Be. Donc on a tendance à penser que c'est un groupe qui englobe la décennie et qui finalement résume parfaitement les années 60. C'est vrai, mais pas seulement, parce que d'abord parce que les Beatles, ce sont les enfants de l'après-guerre, qui ont été nourris avec cette Angleterre où baignaient encore les vestiges de la société victorienne. C'est aussi les années 60 à travers les années solo. Et c'est jusqu'à aujourd'hui, finalement, c'est presque le 21e siècle, puisqu'on se rend compte que les Beatles sont plus présents que jamais. Donc c'est pour ça que, plutôt que de l'appeler « Quatre garçons dans le vent », comme ça aurait été un peu facile, en référence au film de Richard Lester, et puis à la célèbre formule un peu yéyé, « Quatre garçons dans le siècle », c'est de se dire que les Beatles ont modifié le monde dans lequel on vit, d'abord la musique, mais pas seulement. Alors allons-y, pourquoi ont-ils modifié le monde dans lequel on vit ? Oh là, vous savez, j'ai écrit 500 pages là-dessus, mais c'est vrai que ils ont changé la perception qu'on pouvait avoir de la culture. Je pense que les Beatles, c'est l'émergence d'une culture jeune qui va imprégner la grande culture et la haute culture. C'est aussi la fin d'un phénomène, la frontière entre haute culture et culture pop, si vous voulez, ou culture alternative, va devenir de plus en plus ténue. Avec eux, les frontières vont se brouiller, et puis ils vont instiller dans la société une forme d'ironie mordante, une forme d'irrévérence. C'était quatre révolutionnaires, mais quatre révolutionnaires qui n'étaient pas forcément dans les idées, mais qui l'étaient dans leur look, leur attitude, leur musique, leurs chansons. La frontière aussi qu'ils ont tendance à transgresser, c'est la frontière entre les générations. Tout le monde aime les Beatles, de 7 à 77 ans. Mais il y a un peu de ça. C'est vraiment un mystère, les Beatles. C'est comme des personnages comme Tintin. C'est-à-dire que ils captent des années après l'attention, l'affection de générations entières. En travaillant sur le livre, je me suis aperçu d'une chose très étonnante. L'année dernière, il y a eu la ressortie de Bayreuth, 50 ans après sa sortie initiale. Donc, le dernier album des Beatles. Voilà, le véritable dernier album des Beatles. Eh bien, quand on regarde les classements, il s'est classé numéro 1. C'est-à-dire numéro 1, 50 ans après sa sortie initiale. C'est du jamais vu. Et Deezer, le site de streaming, a posté à cette occasion une petite enquête montrant que la majorité des auditeurs et des fans donc des Beatles étaient des adolescents ou des jeunes adultes. Ce qui est très étonnant. Donc, en même temps, étonnant, je ne sais pas, mais ça montre et ça réaffirme le pouvoir œcuménique, universel, transgénérationnel des Beatles, qu'ils avaient déjà dès le départ. Mais c'est vrai que leur période d'activité en tant que groupe, c'est environ 10 ans, Frédéric Granier. Après, chacun a continué ou tenté de continuer sa carrière, mais vous dites que l'ombre envahissante du groupe le plus populaire de tous les temps, finalement, les a tous les quatre rattrapés. Ils n'ont jamais pu s'en extirper réellement. C'était leur drame. C'était, vous savez, y a une chanson sur Bayreuth qui s'intitule « Carry That Weight ». Où Paul, et tous en chœur d'ailleurs, chantent « Boy, you'll have to carry that weight, you're gonna have to carry that weight », porter ce poids. Alors, ça n'a jamais été expliqué, mais je suis persuadé que c'est le poids des années futures. Qu'est-ce que c'est qu'être un ex-Beatles ? C'est porter le poids de toutes les merveilles qui ont été réalisées entre 1962 et 1970. Moi, j'aime beaucoup les certains albums solo des ex-Beatles, mais c'est vrai que il y avait cette alchimie qui n'existait plus. Alors, est-ce que c'était lié au fait qu'il n'y avait plus cet esprit de compétition entre eux ? Est-ce que c'était lié à l'époque qui avait changé, à l'apparition de nouveaux groupes ? En tous les cas, il y a ce mystère qui fait que le Beatles, c'est aussi un groupe parfait parce qu'ils se sont séparés en 70. Alors, peut-être que cette alchimie, elle était due au leadership de certains membres des Beatles. On a l'habitude de dire qu'il y a un petit peu deux périodes dans le groupe qui constitue aussi, enfin qui correspondent avec deux leaderships différents. La première période, c'est 1962-1965 avec une domination de Lennon. Et puis après, il y a les années studio, 1966-1970, avec un basculement du côté de McCartney. Mais vous dites cette chose dans votre biographie, Frédéric Granier, qui est très éclairante, que en fait, pour vous, l'histoire des Beatles, c'est l'histoire d'un coup d'État. Et c'est le coup d'État de Paul McCartney sur le groupe au fur et à mesure de leur existence. Oui. En fait, effectivement, dans l'historiographie des Beatles, on a tendance effectivement à considérer, disons, les premières années de la Beatlemania, les années jusque à l'arrêt des prestations en concert sur scène, donc en 1966, comme une nette domination de Lennon. Et donc ensuite, McCartney, qui était plus féru d'expérimentation sonore et de travail en studio, aurait fait alliance avec George Martin pour signer les plus grands, les classiques, disons, Sgt. Pepper, Magical Mystery Tour. Voilà. Je crois effectivement qu'il y avait, ça reste vrai, mais on peut l'analyser aussi d'une autre manière, effectivement, se dire que Lennon, qui avait fondé le groupe, qui au départ était assez réticent à faire rentrer en 1957 Paul McCartney, un type aussi talentueux au sein des Quarrymen, qui était son petit groupe de skiffle à Liverpool, bah c'est pas dit. Bon, bah, est-ce que j'ai pas fait entrer le loup dans la bergerie? Il a hésité longtemps. Hein, bah, oui, finalement, il s'est dit bon, bah c'est quand même bien d'avoir le meilleur. Est-ce qu'il vaut mieux réussir, voilà, en ayant peut-être un peu plus d'ombre sur soi, ou alors rester médiocre et être le leader? Voilà. Donc, il a choisi d'être, de partager finalement ce talent, sachant que c'est allé très vite. C'est-à-dire que j'ai effectivement un lent coup d'état. Je pense que Lennon était très vexé que, par exemple, Love Me Do, qui était le premier single sorti chez EMI fin 62, soit une composition qui était majoritairement issue de l'imagination de McCartney, sans doute à 80%. Voilà. 1965 aussi, c'est Yesterday. C'est une composition qui est peut-être l'une des plus connues, une des chansons les plus connues, mais qui n'est pas, au final, une chanson des Beatles. C'est une composition et une chanson de Paul McCartney en solo, avec un quatuor à cordes et un arrangement signé George Martin. Donc, effectivement, on a cette lente progression, cette lente montée en puissance de Paul McCartney, qui va finalement se sentir pousser des ailes et prendre le pas sur Lennon progressivement. Donc il y a ceux qui se sentent poussés des ailes, puis il y a ceux qui sont un peu poussés vers la sortie, comme par exemple Pete Best. On peut en parler un tout petit peu. Alors Pete Best, c'est sans doute la personne la plus... C'est le batteur le plus malchanceux de l'histoire, qui effectivement a suivi le groupe, a intégré le groupe un peu par hasard, puisque Mona Best, qui était sa mère, était dirigeait un petit club à Liverpool, Casbah, qui était... donc c'était bien pratique d'avoir le fils de la gérante comme batteur. Il s'entendait pas très bien avec les trois autres, il était un peu en retrait. C'était aussi un musicien assez mignon, il faut bien l'avouer. C'était le plus beau des Beatles. C'était le plus beau des Beatles. Ça a agacé un petit peu Lennon, McCartney et Harrison. Et puis au final, quand il a fallu faire les premières, effectuer les premières auditions, notamment dans la maison, chez Decca, puis chez EMI, bon, George Martin trouvait que ces petits gars étaient très sympathiques, qu'ils avaient un accent à couper au couteau, bon, que peut-être que ça méritait de faire une petite signature et de sortir un ou deux singles, on verra bien. Mais bon, que leur batteur était peut-être pas à la hauteur. Bon, au début, c'était dit, George Martin, on va peut-être faire appel à un batteur au studio, et puis on va le laisser quand même sur les photos. Mais McCartney, Harrison et Lennon en ont profité pour dire, eh bien, et bye bye. Et puis ils ont été courageux mais pas téméraires, c'est-à-dire qu'ils ont demandé à leur manager Brian Epstein d'annoncer la mauvaise nouvelle à Pete Best qui faisait plus partie du groupe en 62. Donc c'est le batteur le plus malchanceux de l'histoire. Ringo Starr, c'est peut-être le batteur le plus chanceux de l'histoire aussi de la batterie, parce que ça a été lui, mais ça aurait pu être un autre. Oui, en même temps, de quoi l'avenir serait, enfin l'histoire serait faite. On n'en sait rien. Il se trouve que Ringo Starr s'est avéré un batteur de très bon niveau, avec une voix, alors certes un peu monocorde, des petites compositions amusantes, mais qui ont toujours égayé finalement les Beatles. Et puis surtout, Ringo, qui était déjà un batteur quand même aguerri, hein, au sein des Hurricanes, hein, un groupe de Liverpool, donc qui fréquentait déjà les Beatles, s'est avéré être aussi une personnalité extrêmement attachante et a nettement contribué à faire des Beatles ce quatuor magique avec quatre garçons qui étaient aussi quatre personnalités extraordinaires. Mais est-ce qu'il ne s'est pas demandé un peu toute sa vie pourquoi moi et pas un autre? Est-ce qu'il n'en a pas souffert? Il en a sans doute souffert. Alors effectivement, c'est compliqué dans une biographie historique de rentrer dans le psychologique. Je pense néanmoins que les petites remarques désobligeantes de Paul McCartney en studio en 67 ou en 68, qui laissaient entendre que bon, c'était pas un mauvais, parce que McCartney était aussi un bon batteur, donc il le remplaçait souvent sur les morceaux, notamment sur Back in the USSR. Il y a Lennon qui se fendait de quelques pics quand on demandait à Lennon, mais est-ce que Ringo est le meilleur batteur du monde? Lennon répondait, mais vous savez, c'est même pas le meilleur batteur au sein des Beatles. Donc Ringo, ça a dû lui peser, parce que c'est un être sensible, et c'est le premier, on le sait assez peu, mais c'est le premier à avoir claqué la porte du groupe. Pendant quelques jours. Pendant quelques jours, voilà, et puis il allait se ressourcer sur un bateau prêté par Peter Sellers, et quand il est revenu, eh bien, sa batterie, son kit de batterie, était entouré de mille et une fleurs. That'll be the day when you say goodbye, yeah, that'll be Notre premier enregistrement, c'était That Will Be The Day de Buddy Holly et une chanson de Paul qui s'appelait In Spite Of All The Danger. Le tout premier disque se trouve quelque part dans Liverpool. C'est le premier enregistrement que nous ayons fait. Alors ça, c'est le premier enregistrement des Beatles, Frédéric Granier. Oui, on est allé chercher Join, comme vous le disiez à l'instant en écoutant ce morceau. À l'époque, ça s'appelait les Quarrymen. Oui. Et puis, on est évidemment à Liverpool parce que les Beatles, c'est connu, sont des enfants de Liverpool. Il faut parler un peu de leurs origines. Peut-être en commençant, comme vous le faites d'ailleurs dans votre biographie, par celle de Lennon. Il a beaucoup insisté sur ses origines modestes, que vous relativisez un petit peu. En fait, on a longtemps prêté à Lennon une enfance à la Dickens, alors que c'est sans doute plus compliqué que ça. Lennon, il faisait partie, contrairement par exemple à Ringo, qui faisait vraiment d'un milieu, il venait d'un milieu prolétaire vraiment très, très dur. C'était vraiment, c'était la vache enragée, hein, l'enfance de Ringo. Lennon, c'était plus compliqué. Il a eu des tourments, il a eu des difficultés familiales. Sa mère, qui était une sorte de femme-enfant, sortait souvent avec des marins, voilà. Puis elle s'est entichée d'un marin qui lui a fait un enfant, puis qui était pas très présent, et puis elle était incapable de s'en occuper. Donc elle l'a confié à sa sœur, surnommée Mimi, et puis à son beau-frère George, et qui ont élevé le petit John Lennon durant ses premières années de manière assez confortable. Ils étaient dans le quartier à Main Love and New, qui était une rue plutôt huppée, ou en tout cas la bourgeoisie, petite bourgeoisie, et Lennon n'a pas eu à souffrir ni de la faim, ni de la pauvreté. Il a été plutôt assez choyé, notamment par son oncle, qui est malheureusement est mort très tôt. Mais en l'absence quand même de ses parents, et puis de sa mère qui va mourir, alors pas pendant son enfance, mais quand même relativement jeune. Oui, effectivement. Au moment où Lennon va reprendre un peu contact avec sa mère, Julia, au moment où il a 16-17 ans, elle lui apprend quelques accords de guitare, et puis elle est très jeune, donc ils partagent ensemble la passion du rock'n'roll, et puis avec les Quarrymen, ils vont dans la salle de bain de Julia pour faire quelques jams, et au moment où finalement il sent que le lien avec sa mère, qu'il n'avait pas finalement très peu côtoyé dans son enfance, se retend, il va la perdre, puisque Julia va se faire renverser par un chauffard, et ça va être une des principales blessures de John Lennon qui va évidemment jamais s'en remettre totalement, et dont l'œuvre va être imprégnée de cette recherche de la mère à travers des chansons comme par exemple Julia sur le double blanc, qui reste un sommet mélodique et introspectif, et aussi sur son premier album solo Plastic Ono Band en 70 avec Mother et My Mom Is Dead. Alors ça va être John Lennon, l'intellectuel du groupe. Il va écrire des livres, on en parlera peut-être si on a le temps, mais c'est tout de même un élève à l'époque qui est plutôt médiocre. En fait, rien ne l'intéresse, dites-vous, plus que lui-même et la musique. Voilà, je pense que c'était un cancre. C'était au-delà du cancre, c'était vraiment un élève extrêmement turbulent. Les parents voulaient pas que leurs enfants le fréquentent. C'était le bad boy dans toute sa splendeur. C'était une attitude, et effectivement, il va dire que ce qui l'a sauvé, c'est avant tout la musique. Et la musique d'Elvis, peut-être en particulier. King Creole. There's a man in New Orleans, and he's a rock and roll. He's a guitar man with a great big soul. He lays down a beat like a ton of cola. He goes by the name of King Creole. You know he's gone, gone, gone, jumping like catfish on a pole. Donc il faut imaginer Lennon se coiffer les cheveux en arrière comme un vrai rocker, comme son idole. Elvis, dont il ne comprend pas vraiment les paroles d'ailleurs, mais dont le son visiblement le passionne déjà. Oui, le son et puis effectivement ce baragouinement, il ne comprend absolument rien à ce qu'il peut raconter. Lui, toutes les voix américaines qu'il avait pu entendre jusqu'ici, c'était Sinatra, c'était les crooners. Et là, tout d'un coup, débarque ce quasi-adolescent qui vient se déhancher et avec ses sonorités si particulières à la radio, presque blues en même temps. C'est les prémices du rock et Lennon est sous le charme. Et il se dit, voilà ce que je vais faire de ma vie. Donc il monte un groupe avec d'autres amis, les fameux Quarrymen, qui jouent alors à l'église. Et c'est au cours d'une fête, le 6 juillet 1957, une fête de l'église du quartier, l'église Saint-Peter, dans le quartier de Woolton, que se rend Paul McCartney, et qui est visiblement très impressionné par la prestation donc de John Lennon et de ses Quarrymen. Voilà, le 6 juillet 1957, dans le quartier de Woolton, date historique, on a assez peu de traces, peu de commentaires, mais visiblement, Paul était plutôt venu pour se trouver une petite amie du jour, et pas forcément pour écouter de la musique, mais il est assez impressionné par la rage de Lennon. Ensuite, il discute un peu avec les Quarrymen et avec John Lennon. Il se trouve qu'il y a une sorte de coup de foudre mutuel. Ils se rendent compte qu'ils aiment les mêmes chansons, des disques un peu obscurs comme Go With Me, qui était un hit assez obscur des Delvey Kings, mais que eux avaient entendu dans un disquaire de Liverpool. Et donc, se noue un lien. Et puis Lennon, de son côté aussi, qui est un peu plus âgé, donc qui regarde Paul avec une certaine morgue, un peu de dédain, va se laisser apprivoiser par le charme, il faut bien le dire, irrésistible de McCartney. Pourquoi un charme irrésistible? Parce que, contrairement à Lennon, McCartney, c'est plutôt celui qui fait rire toute la classe, mais qui a tendance à monter sur le pupitre pour chanter tout le Bebop Lula ou les chansons de Little Richard, et qui amuse la galerie. C'est un peu le boy scout aussi. Il a un esprit boy scout. Il a, on le sent aussi dans les interviews, on le sent à travers ses disques. McCartney, on sent qu'il est né pour faire plaisir et se faire plaisir. C'est pas tout à fait le cas de Lennon. Et en tout cas, Lennon, ce 6 juillet 57, il est impressionné par déjà le fait que McCartney sait jouer du piano, et puis la connaissance très impressionnante de McCartney dans tous les genres possibles. Alors McCartney, pour aller à l'école, fait le trajet en bus avec un certain George Harrison, qui est encore un petit peu plus jeune. Hein, tous se tiennent dans 3 ou 4 années, mais George Harrison, c'est le dernier. Et donc il va l'enrôler dans le nouveau groupe qui va être formé avec John Lennon. Exactement. George Harrison est un peu plus jeune. Alors bon, ça compte pas quand on a 40, 43 ans. Mais quand on a 14 ans et 17 ans, ça compte beaucoup. Et Lennon le prend un peu de haut, mais bon, il trouve qu'il a un jeu qui imite à la perfection celui de Carl Perkins. Et puis il se dit, ah, c'est un ami de Paul. Et puis surtout, il est très flatté parce que Harrison est littéralement subjugué par John Lennon. Il le suit comme un toutou à peu près partout. Je pense que effectivement, ça peut être un détail, cette différence d'âge, mais que George Harrison, qui va toujours être considéré comme le troisième, le Quiet Beatle, le Dark Horse, celui sur lequel on compte pas forcément, qui peut avoir des coups d'éclat, mais à qui on pense pas forcément quand on pense aux Beatles, va toujours avoir à souffrir, finalement, d'être relégué au troisième plan, et cette différence d'âge a pu jouer. Et dès finalement, les premières années, ces premières années vont être fondatrices et vont créer une sorte de cassure chez Harrison. John thought of the name Beatles and he'll tell you about it now. C'est John qui a pensé au nom Beatles et il va vous raconter ça maintenant. Eh bien, j'ai eu une vision à 12 ans. J'ai vu un homme sur une tarte enflammée qui disait « Vous êtes des Beatles avec un A et c'est ce que nous sommes ». John a raconté cette histoire aussi dans le fanzine Merci Beat, qui avait aussi été fondé par Bill Harry, qui était allé en école d'art avec John. Enfin, juste pour dire que ce petit bonhomme était apparu sur une tarte enflammée dans le ciel et qu'il avait dit qu'il y ait des Beatles avec un A. John avait trouvé le nom Beatles il y a très longtemps quand on avait besoin d'un nom et que tout le monde y réfléchissait. Et il a pensé à Beatles. Je cherchais un nom comme Crickets qui avait un double sens. Et de Crickets, j'en suis arrivé à Beatles. En le disant, on pensait insectes et en le lisant, on pensait à la musique, beat. Du coffret DVD The Beatles Anthology aux éditions Apple et la traduction de Michael Cohen. Alors ils vont s'appeler au départ les Beatles, donc B-E-A pour beat, hein, le rythme, et puis ALS, une sorte de barbarisme. Et puis il y a un certain nombre de noms comme ça qui vont être testés avant d'arriver vraiment aux Beatles, donc qui est donc un jeu de mots mais un tout petit peu plus raffiné et accompli. Oui, alors on entend Lennon qui disait ça lui est apparu comme sur une tarte enflammée, Flaming Pie. D'ailleurs, c'est le nom McCartney reprendra l'expression pour un très bon disque en solo en 97. Mais on sait pas trop. C'est très difficile d'estimer qui est à l'origine du nom des Beatles. C'est probablement Lennon avec Stuart Sutcliffe qui était le bassiste qui était à l'époque son meilleur ami, puisque les Beatles et les Fab Four, on a tendance à l'oublier, ont été longtemps 5 avant d'être 4, et puis qui a suggéré effectivement Beatles, et puis il voulait faire effectivement un petit clin d'œil au cricket. Et puis McCartney, quand il a entendu ça, il dit « Oui, je suis pas très sûr ». Bon, c'était une idée géniale, et souvent avec McCartney, quand l'idée géniale ne vient pas de lui, il se sent un petit peu en retrait. Et il faut bien avouer que c'est un nom qui a fait beaucoup pour la carrière du groupe. Oui, parce que l'autre Beatle, le Beatle disparu, lui aussi, c'est Sutcliffe, qui va être bassiste un moment, mais alors qui lui est quand même plutôt un artiste plastique, hein, et qui est plus intéressé par l'art que par la musique. Oui, effectivement. Il est là parce que c'est le meilleur ami de John, parce que c'est son colocataire. Ils ont fait les études ensemble à l'école d'art de Liverpool. Parce que il faut bien avouer que, comme Pete Best, il a plutôt une bonne tête. Il a un look un peu ténébreux, la James Dean. Il joue de la basse de manière assez épouvantable, il faut bien avouer. Mais bon, il s'en rend compte et donc il quitte le groupe. On a tendance à lui débrancher, oui, c'est ça. Donc pendant les concerts, on avait tendance à lui débrancher son instrument ou à lui faire chanter des chansons d'Elvis pour se faire pâmer les filles. Mais ça en restait là. Puisqu'ils ont fait leur première carrière donc à Liverpool, mais surtout à Hambourg. Alors ça, il faut le raconter, c'est-à-dire l'éclosion des Beatles en Allemagne et pas du tout en Angleterre au départ. Non. Bah, Liverpool, c'est une ville quand même sinistrée, c'est une ville qui, dans l'après-guerre, est encore vraiment touchée par la crise économique. Et puis, c'est une petite ville, on a envie d'aller voir ailleurs. On a besoin de gagner de l'argent quand on est un petit groupe. Et à Hambourg, il y a beaucoup de clubs qui se sont montés sur la Reeperbahn, sur cette longue allée, l'allée des plaisirs, où se mêlent des clubs, des clubs de rock, des cinémas, des clubs de striptease. Et c'est là que les Beatles vont être engagés et qui vont faire un peu leurs premières armes. Donc dans des conditions que vous décrivez, qui sont quand même des conditions assez difficiles. Et puis les nuits à Hambourg sont un apprentissage quand même un petit peu d'un demi-enfer pour les Beatles, enfin un demi-enfer à la fois très attirant évidemment pour ces jeunes garçons qui découvrent quand même un petit peu le monde. Ah bah c'est George Harrison qui disait c'est Sodome et Gomorre. Ils avaient jamais vu ça. Je sais même pas si j'oserais répéter là à l'antenne à Stercy ce qu'ils ont pu voir à Hambourg. En tout cas, c'est dans des conditions très difficiles parce que ils étaient payés une misère, ils étaient payés de quoi s'acheter leur pinte de bière, ils dormaient dans une sorte de cagibi qui était dans un cinéma pornographique de Hambourg. Mais dans ces conditions, c'est là qu'ils sont devenus de véritables musiciens. Il y a quelque chose qui se passe à Hambourg quand ils rentrent ensuite à Liverpool. Ils ne seront plus les mêmes parce qu'avant c'est simplement un groupe parmi les autres. Et là, il y a quelque chose qui s'est cristallisé. C'est un événement fondateur parce qu'ils jouent 10 heures par jour. Ils jouent pour rien du tout. Ils marchent à, c'est faites le show, on leur crie. C'est-à-dire, donnez-vous à fond. Ils se donnent à fond. Ils gobent des pilules d'excitants pour pouvoir tenir la cadence. On leur demande de plus en plus de chansons, donc ils deviennent une sorte de jukebox humain de tout ce qui peut exister en termes de pop et de rock anglo-saxon. Et au final, la première fois qu'ils rentrent à Liverpool, c'est plus du tout le même groupe. D'une part, parce que Sutcliffe est resté à Hambourg parce qu'il a rencontré sa petite amie, la photographe à Astrid Kircher. Et puis, d'autre part, parce que ils s'aperçoivent qu'ils sont 100 coudées au-dessus de tous les groupes amateurs de Liverpool. Sutcliffe qui va mourir en fait très jeune, et ce sera un coup aussi pour le groupe, même s'il n'en fait plus partie, notamment pour Lennon. Oui, ça sera ça va être le même type d'expérience terrible hein, que ce qu'il a vécu avec la mort de son oncle, de la mort de sa mère. Il est probable que l'une des plus belles chansons de Lennon, première période, In My Life, sur Rubber Soul, Some Are Dead and Some Are Living, c'est une sorte de clin d'œil à son ami disparu. This was quite a new world. C'était un monde tout à fait nouveau pour moi. J'étais subjugué par l'ambiance sombre, enfumée et humide de cette beat musique. Les Beatles n'étaient alors que quatre jeunes sur une scène plutôt mal éclairée, assez mal attifée. Je trouvais que leur présentation laissait un peu à désirer, parce que je m'intéressais au théâtre depuis longtemps. Mais il émanait quand même quelque chose de très fort de tout ça. J'étais immédiatement frappé par leur musique, leur rythme et leur sens de l'humour sur scène. Et même après, quand je les ai rencontrés, j'ai à nouveau été frappé par le charme qui émanait de leur personne. C'est là que tout a vraiment commencé. La compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange. Et à l'instant, Brian Epstein, le manager des Beatles, dans un extrait du DVD The Beatles Anthology avec une traduction de Michael Cohen. C'est aussi le cinquième Beatle, lui, Brian Epstein. Il y en a beaucoup d'ailleurs des cinquièmes Beatles. Oui. Il y aura après Yoko Ono, etc., etc. Mais quand même, il va faire énormément pour le groupe. Il va faire énormément. Son apport est inestimable dans l'histoire des Beatles parce qu'il va réussir à transformer quatre adolescents mal dégrossis. Qui mangeait du poulet sur scène, rendez-vous compte. Qui se roulait par terre sur scène, qui mangeait du poulet sur scène, qui arrivait tout le temps en retard, qui n'était pas fiable, en de véritables professionnels. Et Epstein, je dis pas qu'il va les modeler, en tout cas il va les transformer de manière à les rendre acceptables. Acceptables pour toute la société. Même très acceptable. Très acceptable. C'est eux qui leur mettent des costumes, des petits cols ronds. Voilà. Bon, il leur laisse un peu les cheveux longs, ce qui quand même choque un peu à l'époque. Mais il arrive à trouver le juste milieu. C'est-à-dire qu'il comprend que s'il veut que les Beatles réussissent et dépassent uniquement le cadre des simples fans de rock de Liverpool, il faut les rendre universel, justement transgénérationnel. Et on en parlait tout à l'heure, je suis persuadé que cette puissance, ce côté briseur de barrières, doit beaucoup à la figure de Brian Epstein, qui a fait en sorte que les Beatles puissent être écoutés par les ados, mais aussi par la génération des parents et la génération des grands-parents. Donc lui, c'est le fils un peu plus âgé que les Beatles d'un disquaire, du grand disquaire de la ville, et il va avoir une attention vraiment maniaque pour tous les détails qu'il va faire, enfin qui vont faire que les Beatles vont devenir ce qu'ils deviennent, et ce dès le premier album. Il y a une explosion quasi immédiate. Pas immédiat. En fait, j'étais étonné. C'est-à-dire qu'en travaillant sur le sujet, on se rend compte que il y a plutôt une petite montée en puissance. C'est-à-dire que Love Me Do, par exemple, est certes un numéro un, mais c'est un peu ambigu. C'est surtout un numéro un parce que il arrive à conquérir les fans de Liverpool, mais que à Londres, on n'écoute pas encore les Beatles fin 62. Et la force d'Epstein, c'est d'avoir qui a quand même essuyé pas mal de refus de la part des maisons de disques. Il était persuadé que les Beatles allaient être signés chez Decca, et puis finalement, ça ne s'est pas fait. Bon, Decca se rattrapera en signant un groupe londonien qui a eu son petit succès, qui s'appelle les Rolling Stones. Mais on se moquera toujours pendant longtemps de la personne qui a raté les Beatles chez Decca. Voilà, mais c'était pas évident de vendre un groupe de provinciaux pour réussir sur la scène londonienne. C'était assez inédit à l'époque. Donc ils vont se professionnaliser comme ça au fur et à mesure. On est même assez étonné en lisant votre livre, Frédéric Granier, par finalement la manière dont les Beatles acceptent tout ce qu'on leur demande, et on leur en demande de plus en plus. Ils travaillent énormément. Ils ne font que travailler en réalité. Mais je pense qu'on pourrait écrire une quinzaine de livres de 500 pages sur les années 1960-1966. En fait, les années tournées, ils n'arrêtaient pas. C'est-à-dire que on se demande comment c'était, ça pouvait être humain finalement de traverser tout ça. Et puis c'était une époque où aujourd'hui on peut très bien estimer qu'un groupe sorte un album tous les 5-6 ans, on trouvera ça normal. Hein. Un groupe majeur d'aujourd'hui, je sais pas, Radiohead, ça fait déjà longtemps qu'on les a pu entendre, et puis dans 3 ou 4 ans il y aura un disque. Les Beatles, c'était 2 albums par an. La chanson de Noël. La chanson de Noël, des shows de Noël, 4 ou 5 singles, des EP, des apparitions télé, des apparitions radio, des enregistrements radio, des interviews à foison. C'était comme ça. Ils ont été pressurisés. Et peut-être que ça a contribué déjà à leur professionnalisation. C'est déjà quand même un miracle que dans ces conditions, on puisse accoucher d'autant de chefs-d'œuvre. Ça explique aussi le tournant plus tard des années studio, c'est-à-dire la fatigue générale. Mais c'est ça qui est assez étonnant, c'est de se rendre compte que beaucoup des chansons qui ont été les chansons les plus célèbres des Beatles sont des chansons de commande, en fait. On leur dit, vous devez écrire une chanson qui s'appellera Help, allez-y, c'est pendant une semaine ou pour dans 15 jours. Exactement. C'était le second film des Beatles, qui date de 1965, après 4 garçons dans le vent, devait s'appeler 8 bras pour t'enlacer, 8 arms to hold you, qui était un titre assez amusant. Mais on a commandé ça à Lennon et McCartney, qui ont dit, mais c'est quand même assez compliqué de faire ça. Donc, ils ont transformé ça en Help, qui était quand même plus simple. Mais effectivement, on leur demandait, il faudrait peut-être faire une chanson pour le public américain. Donc, ça sera I Want to Hold Your Hand. Il faut composer une chanson qui s'appelle Hard Day's Night. Et voilà, et Lennon l'a fait avec l'aide de McCartney en 2 jours. Il y avait de l'amour, mais c'était du travail de commande, effectivement. C'est maintenant 22h, il fait nuit sur Piccadilly. Les Beatles arrivent, Ringo, George, John et Paul. Ils sont en smoking. Ils se tiennent par la main pour entrer dans le cinéma. Ringo se retourne, il fait signe à la foule. Des milliers de jeunes filles bloquent la circulation. Elles ont seulement 12 ou 15 ans. Certaines sont très très jolies. Il n'y a aucun voyou, pourtant on s'y attendait. On dirait que les mods ou les rockers ne sont pas des fans des Beatles. Sur des banderoles, on peut lire « Que Dieu bénisse les Beatles » ou alors « Paul, aide-nous à entrer dans le cinéma ». 300 policiers, très calmes, forment une chaîne solide et retiennent les fillettes. On voit des brocardiers qui courent parce que 3 jeunes filles viennent de s'évanouir. Un médecin anglais avait dit un jour que ces filles présentaient les mêmes symptômes qu'une femme accouchant. Eh bien, ça a l'air vrai, vraiment, elles font peur à regarder. De nouveaux brocardiers emmènent d'autres jeunes filles. Heureusement, le bassin qui est au milieu de la place a été spécialement entouré de palissades. Et puis voici la princesse Margaret, en robe longue de soie blanche, suivie de son mari, le comte de Snowdon. Les cris continuent. Les jeunes anglais n'ont pas l'air du tout de respecter la famille royale. Mademoiselle, pourquoi pleurez-vous ? Parce que j'aime George la soirée. Parce que j'aime George. L'amour vous fait pleurer, vous ? Oui, parce que je suis heureuse. Vous n'avez pas honte de vous mettre dans des états pareils devant tout ce monde ? Vous avez le visage couvert de rimmel. Anything's worth it for George, anything. Non, je ferai n'importe quoi pour George. Ça, c'était l'extrait d'un reportage de François Jouffa pour Europe 1 à l'occasion d'un événement des Beatles à Londres. Les Beatles, c'était la sortie de A Hard Day's Night, le film. Donc, parmi les femmes qui adulent les Beatles, c'est donc la reine-mère, toute l'Angleterre, le monde entier adule les Beatles, c'est la Beatlemania. Elle a dit qu'elle les trouvait intrigants. En tout cas, Margaret les aime beaucoup. Margaret les aime beaucoup, Lord Snowdon aussi. Ce qu'on entend, c'est ce qu'on a en tête finalement quand on pense aux Beatles, c'est-à-dire le phénomène de la Beatlemania, cette scène d'hystérie collective qui ont émergé en 1963 et 1964 et qui d'ailleurs, je raconte un peu dans le livre, ont été parfois différemment interprétés. Il y a certains qui, c'est dans le New Statesman, il y a Paul Johnson, un chroniqueur qui dit... qui écrit « Tous ceux qui affluent en masse autour des Beatles, qui hurlent jusqu'à l'hystérie et dont les visages mornes vacillent sur les écrans de télévision, tous ceux-là sont les moins chanceux de leur génération, les mous, les inaptes, les ratés. » Et ça montre bien que c'est un phénomène complètement nouveau, ce phénomène de fandom, c'est pas de la fanatisation, je sais pas comment on peut appeler ça, mais en tout cas d'adulation hystérique. Alors certains l'associent comme une forme de phénomène un peu puéril, mais d'autres qui se disent que on est face à quelque chose de nouveau, de novateur et pourquoi pas de féministe. Et notamment la chroniqueuse Barbara Ehrenrich qui dit que la manifestation des Beatles dans l'espace public, c'est le premier et le plus spectaculaire soulèvement de la révolution sexuelle des femmes. Vous y croyez, vous ? C'est une interprétation. En tout cas, je suis persuadé que les phénomènes qu'on a pu entendre là ou qu'on peut voir sur les photos ou dans les vidéos, c'est un relâchement finalement assez contrôlé de l'hystérie. On est là pour se faire plaisir, pour rire. Il y a une forme de tension sexuelle qui existe, mais il n'y a pas quelque chose de malsain ou d'absurde. Il y a juste des musiciens qui sont là pour donner de l'amour et des fans qui sont là pour en recevoir et en donner aussi. Ce phénomène, ça se retrouve encore aujourd'hui. Hein. Il y a encore le groupe de pop coréenne qui suscite... C'est peut-être le premier boys band, non, les Beatles ? Alors, j'aime pas dire que c'est un boys band parce que boys band, ça laisse entendre que les Beatles sont un groupe manufacturé, créé de toutes pièces. Alors certes, ils ont été un peu modelés par Brian Epstein, mais il faut savoir que les Beatles, ils se sont imposés. Ils ont travaillé longtemps. Ils se sont imposés. C'est pas les maisons de disques qui ont imposé les disques des Beatles. D'ailleurs, quand on a Swan et Vijay, qui étaient deux labels de seconde zone aux États-Unis, ont sorti les singles en 63, ça a été un fiasco total. Si les Beatles se sont imposés, c'est grâce à leur talent de musiciens, grâce à leur humour, leur irrévérence, et aussi parce qu'il y avait un besoin, il y avait une demande, et que en début 64, notamment aux États-Unis, on avait envie de respirer, et de s'amuser avec ces quatre ovnis musicaux à l'accent improbable. Alors le public s'amuse beaucoup, comme par exemple au Japon, mais les Beatles, eux, ne s'amusent pas tellement, ils s'amusent même de moins en moins, on craint pour leur sécurité. Quand ils font une tournée aux États-Unis, c'est quasiment la logistique du débarquement. C'est là que ça commence à devenir plus très drôle quand même. C'est la fatigue. C'est pour leur première grande tournée, ils étaient passés à Hong Kong, mais là c'est la première fois qu'ils passent vraiment dans l'Extrême-Orient. Ils commencent au Japon et la police, déjà ça cause une petite polémique politique puisqu'ils vont jouer au Budokan qui était traditionnellement réservé aux tournois d'arts martiaux et qui était considéré comme une enceinte sacrée. Ils sont entourés de milliers de policiers. On a l'impression que ils sortent pas de l'hôtel, de toute façon. Ils ne sortent pas de l'hôtel. C'est comme si c'était la visite d'un chef d'État. Il y a autant de policiers que pour les Jeux Olympiques de Tokyo, à l'époque. Autant dire que c'était une expérience assez déplaisante pour les Beatles, qui avaient l'impression d'être prisonniers de leur propre gloire. Et il va y avoir un épisode encore plus dramatique quelques jours après, puisque quand ils vont partir aux Philippines et qu'ils vont vexer Madame Marcos en la snobant, en n'allant pas à une de ses réceptions, et qui vont être débarqués manu militari du pays, les Philippines. Ils vont être pratiquement roué de coups à l'aéroport. Ça montre, cet épisode, effectivement, que peut-être que le phénomène des Beatles, à l'époque, n'est pas si universel que ça. Il y a un journaliste philippin qui écrit finalement, peut-être qu'on n'était pas prêts. Les Beatles aux Philippines, bah, c'est peut-être un peu comme si Batman allait visiter Thèbes dans l'Antiquité. Mm-hmm. Il y a un contraste qui est trop fort. Et peut-être que les Beatles, en arrêtant les tournées, il y a certes la fatigue, mais on se rend compte aussi qu'il y a peut-être une limite à cette culture occidentale qui est en train, et cette culture de masse qui est en train d'imprégner le monde à l'époque. Alors ça se passe autour de l'année 1965, que vous désignez comme une année charnière. C'est le moment où finalement les Beatles prennent conscience qu'ils ont envie de travailler autrement et puis aussi de composer autrement des chansons qui vont être moins des chansons pour adolescents, comme par exemple celle-ci, « In My Life ». Places I remember all my life, though some have changed, some forever, not for better, some have gone and some remain. All these places have their moments with lovers and friends. I still can recall some are dead and some living. In my life, I've loved them all. La compagnie des œuvres sur France Culture, nous parlons des Beatles avec vous, Frédéric Granier. Alors comment ces Beatles deviennent-ils des musiciens adultes, innovants, sérieux finalement? Déjà parce qu'ils se rendent compte qu'ils ne peuvent plus se contenter de composer des chansons uniquement conçues pour la scène. Et puis ils ont à leur disposition les studios d'EMI, qui à l'époque sont plutôt spécialisés pour la musique classique, le jazz, les disques de comédie, et donc sont plutôt à la pointe de la technologie, et donc ils vont profiter des accidents de studio. Ils vont progressivement faire appel peut-être à des musiciens extérieurs pour faire une petite piste de flûte, de corps, ou de, aussi, ou, de voilà, un quatuor à cordes, et se rendre compte que quelque chose est en train de se produire et que peut-être qu'ils peuvent porter ce passage de la pop à l'âge adulte et qui va se faire progressivement entre, je dirais que les premières splendeurs, c'est 64, 65, 66. Mais c'est aussi le début du délitement du groupe, avec un McCartney qui sort beaucoup à Londres, qui est pleinement dans le Swinging London, alors que Lennon, lui, est plus dans des expérimentations mystiques. On sent que déjà, les intérêts sont en train de diverger. Oui, il y a un album qui représente ça très bien, c'est Revolver, en 66, où la différence et la complémentarité finalement entre Lennon, l'introspectif, qui lui cherche la vérité à travers la quête de soi, les drogues, le psychédélisme, cette facette n'a jamais été aussi différente de celle de McCartney, qui est au contraire très extraverti, qui sort énormément, qui va tous les soirs voir des comédies musicales à l'anglaise ou de la musique expérimentale japonaise lors des concerts qui durent 3h30. Y a cette curiosité à la fois extérieure pour McCartney et intérieure chez Lennon qui va créer, à mon sens, l'un des plus grands, si ce n'est le meilleur disque des Beatles. Alors vous, c'est évidemment la période qui vous intéresse le plus, celle dont on n'aura pas tellement le temps de parler finalement, Frédéric Granier. Comment est-ce que on pourrait résumer un petit peu la vie des quatre Beatles jusqu'à la séparation en 1970? Qu'est-ce qui vous semble le plus important ou ce qui vous touche le plus dans ces années-là? Ce qui me touche, c'est de voir comment ces quatre personnalités complémentaires ont vécu ensemble. C'est comme un couple, c'est comme une famille, avec des dissensions, avec des pièces rapportées, comme Yoko Ono. L'épisode, effectivement, Yoko Ono, qui a été pour beaucoup, effectivement, dans la séparation du groupe. Hein. Ça a été un fait à l'époque, ça a été un tabou pendant longtemps. Bon, on le voit que, malgré tout, ça a attisé les tensions. Ce qui me fascine chez les Beatles, c'est aussi de voir qu'il y a un monde qui... Les Beatles ont traversé un monde. Les Beatles ont changé leur époque, et leur époque les a changés. C'est-à-dire que, prenez les Beatles en 63, avec leur petit costume cintré, leur coupe au bol, et prenez les Beatles en 70, 7 ans seulement après. 7 ans, c'est rien. Voilà, les quatre musiciens hirsutes, capables de splendeur, comme la deuxième phase de Abbey Road. Tout a changé. Il n'y a pas uniquement les Beatles qui ont changé, mais il y a le monde, il y a la société, il y a plein de choses qui sont passées par là. Il y a le pacifisme, il y a les sortes des mouvements anti-guerre, il y a le look, il y a le swinging London, il y a l'apparition des drogues. Les Beatles incarnent tout ça. Il y a aussi le moment en Inde où les Beatles ont essayé de prendre un petit peu des vacances. C'est aussi au moment de la mort de Epstein, leur producteur, qui va beaucoup changer la perspective pour eux. Qu'est-ce que le voyage en Orient, en Extrême-Orient, change pour les Beatles? Il va changer beaucoup de choses, mais pas forcément les choses auxquels ils pouvaient s'attendre. Quand ils partent, début 1968, à l'ashram de Rishikesh, pour suivre le Maharishi Mahesh Yogi, ils y vont pour retrouver, surtout les nonnes, pour retrouver la paix intérieure, et la réponse à la grande question universelle, qui suis-je, où vais-je? Au final, il s'y ennuie plutôt. Il reste quelques semaines. Ringo part au bout de quelques jours à cause parce qu'il a du mal à supporter la nourriture indienne et qu'il était obligé de prendre avec lui des boîtes de baked beans. Paul partira parce que ça n'intéresse que moyennement tout ça. Et John et George resteront un peu plus longtemps avant de partir précipitamment suite à un mini-scandale lié au Maharishi. Et au final, bon, je suis pas sûr qu'il ait trouvé la paix intérieure, Lennon, avec tout ça. La preuve, il va vite retomber dans ses travers. Néanmoins, ils étaient là-bas pour se reposer, mais ils vont composer beaucoup. Et ça va constituer la quarantaine de chansons d'un de leurs plus grands classiques, le Double Blanc. Alors, il va y avoir leur séparation avec le seul qui finalement réussit à rebondir vraiment, c'est McCartney. On n'a pas tellement le temps de s'apesantir sur les raisons de cette séparation. On a beaucoup en effet parlé de Yoko Ono, mais c'est probablement pas la seule raison. D'ailleurs, cette séparation, il y a longtemps qu'elle aurait pu avoir lieu. Oui, il y a eu plusieurs séparations en fait. Les Beatles se sont séparés. ont failli se séparer d'ailleurs. On peut considérer que c'est une séparation, l'arrêt de la scène, puisqu'on passe à autre chose. Ringo a claqué la porte une fois en 68, George en 69, John plus tard en 69 encore, et puis c'est Paul qui officialise sa sortie des Beatles le 10 avril 1970, alors qu'il sort son excellent premier album solo, sobrement intitulé McCartney, où il annonce qu'il ne compte pas collaborer de nouveau avec John Lennon dans le futur. Et puis il y a évidemment l'assassinat de John Lennon et aussi de George Harrison, qui sera victime d'un déséquilibré, qui mourra 2 ans après, assez jeune, à 58 ans, d'un cancer. Merci beaucoup Frédéric Granier. Il y a encore beaucoup, beaucoup à dire sur les Beatles. Pour cela, on peut lire votre gros livre, Les Beatles, 4 garçons dans le siècle, paru la semaine dernière aux éditions Perrin. Tout de suite, la chronique. La Compagnie des Heures, Mathieu Garrigou-Lagrange. Chronique qui nous est proposée aujourd'hui par Jérôme Dupuis de notre partenaire le magazine L'Express. Bonjour Jérôme. Bonjour Mathieu. Vous venez nous parler aujourd'hui d'une biographie qui sort au sujet de Pierre Berger. Oui, en effet, c'est un personnage balzacien, un peu agaçant, l'homme de l'ombre de l'Empire Saint-Laurent, et il méritait vraiment une bonne biographie enquêtée, c'est chose faite, avec ce Pierre Berger, le Pygmalion, signé de 2 journalistes du Figaro et aux Échos. On avait un peu l'impression de tout savoir sur ce couple qu'il formait avec Yves Saint-Laurent, avec les biopics au cinéma, le best-seller de Raphaël Baquet sur Kaiser Karl, la formidable enquête d'Alicia Drake sur leur rivalité avec Lagerfeld. Mais on se trompait, cette biographie révèle des pans entiers de la vie de Pierre Berger, notamment dans l'univers littéraire. Alors on y apprend par exemple qu'il a commencé comme courtier en livres anciens. Absolument, il est monté après-guerre de Charente, il était né dans une famille de la petite classe moyenne, et très vite il se rapproche d'un personnage assez étrange, Richard Anacréon. C'était un ami de Colette qui avait ouvert à Saint-Germain-des-Prés une librairie qui s'appelait L'Original et qui était notamment spécialisée dans les œuvres érotiques. Si on voulait commettre un léger anachronisme, on dirait que L'Original fut la première librairie gay-friendly de Paris. Et auprès d'Anacréon, le jeune Pierre Berger va apprendre à écumer les bouquinistes le matin sur les quais, y dégoter des éditions rares et les revendre beaucoup plus cher dans l'après-midi. Et puis c'est aussi par l'intermédiaire d'Anacréon qu'il va rencontrer Cocteau, qui le fascine, et Carco, dont le côté un peu canaille, l'attire également beaucoup. Alors on sait que Pierre Berger a également été proche de Jean Giono. Est-ce que cette biographie nous en apprend en plus à ce sujet ? Oui, ça fait partie du mythe Pierre Berger. Et en effet, avec le peintre Bernard Buffet, qui était à l'époque son amant, Pierre Berger est descendu sur une magnifique moto tchèque à Manosque, avec Bernard Buffet sur le porte-bagages. Et comme souvent, Berger fonctionne au culot. Il se présente devant la maison de Giono. Il lui déclare son admiration et très très vite, il est adopté par toute la famille du romancier. Il s'installe avec Bernard Buffet juste à côté de chez l'écrivain. Et puis, pendant que Buffet peint, Berger se fond dans la vie familiale des Giono. Il est censé écrire un essai sur l'écrivain, mais il ne le fera jamais. En fait, il est en train de roder avec Bernard Buffet le rôle de mentor, de coach, d'infirmier, d'homme d'affaires qu'il exercera plus tard avec Yves Saint-Laurent. Alors même sa rencontre plus tard avec François Mitterrand va être marquée par le saut de la littérature. Oui, les deux biographes racontent le moment étrange où Pierre Berger, qui avait pourtant voté pour Giscard d'Estaing en 1981, réussit enfin à attirer l'attention du leader socialiste. C'était après un meeting de la campagne de 88 à Toulouse. Un dîner réunissait quelques proches, quelques ministres, quelques courtisans, comme c'est toujours le cas. Et François Mitterrand s'amusait à un petit jeu cruel qui consistait à lancer en l'air le début de poème et de demander à l'Assemblée de réciter la suite. À un moment, il a commencé à réciter une poésie de René Guy Cadou, un auteur peu connu du second rayon. Et au bout de la table, Pierre Berger a été le seul à reconnaître ce poème et à le réciter. Et ça a épaté Mitterrand. Et du coup, ils se sont rapprochés. Leurs racines culturelles charentaises y ont aussi beaucoup aidé. Et puis, évidemment, le candidat socialiste appréciait l'entre-gens et la fortune de Pierre Berger, qui n'était jamais le dernier à battre le rappel du monde culturel ou économique en faveur du président, notamment dans les colonnes de Globe qu'il finançait. On apprend notamment dans cette biographie, par exemple, que l'une des fameuses pétitions lancées par Pierre Berger dans Globe en faveur de François Mitterrand fut directement rédigée dans un bureau de l'Élysée. Pierre Berger, Le Pygmalion, par Alexandre Debouté et Véronique Richebois, c'est aux éditions Kairo. Merci beaucoup Jérôme Dupuis. c'était la compagnie des œuvres. Anne-Vanessa Prévost, Laurence Millet, Laurence Genepin, Pierre Cataneo, Jacques Hubert. Demain, on reprend la chronologie des Beatles, mais cette fois en nous intéressant spécifiquement à leur évolution musicale. Mon invité sera Jacques Volcouff.